19e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 1, César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. En 1810, Madame César prévit une hausse dans les loyers. Elle poussa son mari à se faire principal locataire de la maison où ils occupaient la boutique et l'entresol, et à mettre leur appartement au premier étage. Une circonstance heureuse décida Constance à fermer les yeux sur les folies que Birotteau fit pour elle dans son appartement. Le parfumeur venait d'être élu juge au tribunal de commerce. Sa probité, sa délicatesse connue et la considération dont il jouissait lui valurent cette dignité qui le classa désormais parmi les notables commerçants de Paris. Pour augmenter ses connaissances, il se leva dès 5 heures du matin, lut les répertoires de jurisprudence et les livres qui traitaient des litiges commerciaux. Son sentiment du juste, sa rectitude, son bon vouloir, qualités essentielles dans l'appréciation des difficultés soumises aux sentences consulaires, le rendirent un des juges les plus estimés. Ses défauts contribuèrent également à sa réputation. En sentant son infériorité, César subordonnait volontiers ses lumières à celles de ses collègues flattés d'être si curieusement écoutés par lui. Les uns recherchèrent la silencieuse approbation d'un homme sensé et profond en sa qualité d'écouteur. Les autres, enchantés de sa modestie et de sa douceur, le vantèrent. Les justiciables louèrent sa bienveillance, son esprit conciliateur, et il fut souvent pris pour arbitre en des contestations où son bon sens lui suggérait une justice de cadi. Pendant le temps que durèrent ses fonctions, il sut se composer un langage farci de lieux communs, semé d'axiomes et de calculs traduits en phrases arrondies qui, doucement débitées, sonnaient aux oreilles des gens superficiels comme de l'éloquence. Il plut ainsi à cette majorité naturellement médiocre, à perpétuité condamnée aux travaux, aux vues du terre-à-terre. César perdit tant de temps au tribunal que sa femme le contraignit à refuser, désormais, ce coûteux honneur. Vers 1813, grâce à sa constante union et après avoir vulgairement cheminé dans la vie, ce ménage vit commencer une ère de prospérité que rien ne semblait devoir interrompre. Monsieur et Madame Ragon, leurs prédécesseurs, leur oncle Pillerault, Roguin, le notaire, les Matifat, droguistes de la rue des Lombards, fournisseur de la Reine des Roses, Joseph Lebas, marchand drapier, successeur des Guillaume, au chat qui pelote, une des lumières de la rue Saint-Denis, le juge Popinot, frère de Madame Ragon, Chiffreville, de la maison Prothèse et Chiffreville, Monsieur et Madame Cochin, employés au trésor et commanditaires des Matifat, l'abbé Loraux, confesseur et directeur des gens pieux de cette coterie, et quelques autres personnes composaient le cercle de leurs amis. Malgré les sentiments royalistes de Birotteau, l'opinion publique était alors en sa faveur. Il passait pour être très riche, quoiqu'il ne possédât encore que 100 000 francs en dehors de son commerce. La régularité de ses affaires, son exactitude, son habitude de ne rien devoir, de ne jamais escompter son papier et de prendre au contraire des valeurs sûres à ceux auxquels il pouvait être utile, son obligeance lui méritait un crédit énorme. Il avait d'ailleurs réellement gagné beaucoup d'argent, mais ses constructions et ses fabriques en avaient beaucoup absorbé. Puis sa maison lui coûtait près de 20 000 francs par an. Enfin, l'éducation de Césarine, fille unique idolâtrée par Constance, autant que par lui, nécessitait de fortes dépenses. Ni le mari, ni la femme ne regardaient à l'argent quand il s'agissait de faire plaisir à leur fille, dont ils n'avaient pas voulu se séparer. Imaginez les jouissances du pauvre paysan parvenu quand il entendait sa charmante Césarine répétant au piano une sonate de Steibelt, ou chantant une romance. Quand il la voyait écrire correctement la langue française, lire Racine, père et fils, lui en expliquer les beautés, dessiner un paysage ou faire une sépia, revivre dans une fleur si belle, si pure, qui n'avait pas encore quitté la tige maternelle, un ange enfin dont grâce naissante, dont les premiers développements avaient été passionnément suivis, admirés. Une fille unique, incapable de mépriser son père ou de se moquer de son défaut d'instruction, tant elle était vraiment jeune fille. En venant à Paris, César savait lire, écrire et compter. Mais son instruction en était restée là. Sa vie laborieuse l'avait empêché d'acquérir des idées et des connaissances étrangères au commerce de la parfumerie. Mêlé constamment à des gens à qui les sciences, les lettres étaient indifférentes et dont l'instruction n'embrassait que des spécialités, n'ayant pas de temps pour se livrer à des études élevées, le parfumeur devint un homme pratique. Il épousa forcément le langage, les erreurs, les opinions du bourgeois de Paris qui admire Molière, Voltaire et Rousseau sur parole, qui achète leurs œuvres sans les lire, qui soutient que l'on doit dire « ormoire » parce que les femmes serraient dans ces meubles leur or et leur robe autrefois presque toujours en moire, et que l'on a dit par corruption « armoire ». Potier, Talma, Mademoiselle Mars, étaient 10 fois millionnaires et ne vivaient pas comme les autres humains. Le grand tragédien mangeait de la chair crue. Mademoiselle Mars faisait parfois fricasser des perles, pour imiter une célèbre actrice égyptienne. L'empereur avait dans ses gilets des poches en cuir pour pouvoir prendre son tabac par poignée. Il montait à cheval au grand galop l'escalier de l'orangerie de Versailles. Les écrivains, les artistes mouraient à l'hôpital par suite de leurs originalités. Ils étaient tous athées. Il fallait bien se garder de les recevoir chez soi. Joseph Lebas citait avec effroi l'histoire du mariage de sa belle-sœur Augustine avec le peintre Sommervieux. Les astronomes vivaient d'araignées. Ces points lumineux de leur connaissance en langue française, en art dramatique, en politique, en littérature, en science, expliquent la portée de ces intelligences bourgeoises. Un poète qui passe rue des Lombards peut, en y sentant quelques parfums, rêver l'Asie. Il admire des danseurs dans une chauderie en respirant du vétiver, frappé par l'éclat de la cochenille. Il y retrouve les poèmes brahmiques, les religions et leurs castes. En se heurtant contre l'ivoire brut, il monte sur le dos des éléphants, dans une cage de mousseline, et y fait l'amour comme le roi de Lahore. Mais le petit commerçant ignore d'où viennent et où croissent les produits sur lesquels il opère. Birotteau parfumeur ne savait pas un iota d'histoire naturelle, ni de chimie. En regardant Vauquelin comme un grand homme, il le considérait comme une exception. Il était de la force de cet épicier retiré qui résumait ainsi une discussion sur la manière de faire venir le thé. Le thé ne vient que de deux manières, par caravane ou par Le Havre, dit-il d'un air finaud. Selon Birotteau, l'aloès et l'opium ne se trouvaient que rue des Lombards. L'eau de rose prétendue de Constantinople se faisait, comme l'eau de Cologne, à Paris. Ces noms de lieux étaient des bourdes inventées pour plaire aux Français qui ne peuvent supporter les choses de leur pays. Un marchand français devait dire sa découverte anglaise, afin de lui donner de la vogue, comme en Angleterre un droguiste attribue la sienne à la France. Néanmoins, César ne pouvait jamais être entièrement sot ni bête. La probité, la bonté, jeter sur les actes de sa vie un reflet qui les rendait respectables, car une belle action fait accepter toutes les ignorances possibles. Son constant succès lui donna de l'assurance. À Paris, l'assurance est acceptée pour le pouvoir dont elle est le signe. L'ayant apprécié durant les 3 premières années de leur mariage, sa femme fut en proie à des transes continuelles. Elle représentait dans cette union la partie sagace et prévoyante, le doute, l'opposition, la crainte, comme César y représentait l'audace, l'ambition, l'action, le bonheur inouï de la fatalité. Malgré les apparences, le marchand était trembleur. tandis que sa femme avait en réalité de la patience et du courage. Ainsi, un homme pusillanime, médiocre, sans instruction, sans idées, sans connaissance, sans caractère, et qui ne devait point réussir sur la place la plus glissante du monde, arriva, par son esprit de conduite, par le sentiment du juste, par la bonté d'une âme vraiment chrétienne, par amour pour la seule femme qu'il eût possédée, à passer pour un homme remarquable, courageux et plein de résolution. Le public ne voyait que les résultats. Or, Pillerault et le juge Popinot, les personnes de sa société, ne le voyant que superficiellement, ne pouvaient le juger. D'ailleurs, les 20 ou 30 amis qui se réunissaient entre eux disaient les mêmes niaiseries, répétaient les mêmes lieux communs, se regardaient tous comme des gens supérieurs dans leur partie. Les femmes faisaient assaut de bons dîners et de toilettes. Chacune d'elles avait tout dit en disant un mot de mépris sur son mari. Madame Birotteau, seule, avait le bon sens de traiter le sien avec honneur et respect en public. Elle voyait en lui l'homme qui, malgré ses secrètes incapacités, avait gagné leur fortune et dont elle partageait la considération. Seulement, elle se demandait parfois ce qu'était le monde si tous les hommes prétendus supérieurs ressemblaient à son mari. Sa conduite ne contribuait pas peu à maintenir l'estime respectueuse accordée aux marchands dans un pays où les femmes sont assez portées à déconsidérer leurs maris et à s'en plaindre. Les premiers jours de l'année 1814, si fatale à la France impériale, furent signalés chez eux par deux événements peu marquants dans tout autre ménage, mais de nature à impressionner des âmes simples comme celle de César et de sa femme, qui, en jetant les yeux sur leur passé, n'y trouvaient que des émotions douces. Ils avaient pris pour premier commis un jeune homme de 22 ans, nommé Ferdinand du Tillet. Ce garçon, qui sortait d'une maison de parfumerie où l'on avait refusé de l'intéresser dans les bénéfices et qui passait pour un génie, se remua beaucoup pour entrer à la Reine des Roses, dont les êtres, les forces et les mœurs intérieures lui étaient connus. Birotteau l'accueillit et lui donna 1000 francs d'appointement avec l'intention d'en faire son successeur. Ferdinand eut sur les destinées de cette famille une si grande influence qu'il est nécessaire d'en dire quelques mots. D'abord, il se nommait simplement Ferdinand, son nom de famille. Cette anonymie lui parut un immense avantage au moment où Napoléon pressa les familles pour y trouver des soldats. Il était cependant né quelque part par le fait de quelques cruelles et voluptueuses fantaisies. Voici le peu de renseignements recueillis sur son état civil. En 1793, une pauvre fille du Tillet, petit endroit situé près des Andelys, était venue accoucher nuitamment dans le jardin du desservant de l'église du Tillet, et s'alla noyer après avoir frappé au volet. Le bon prêtre recueillit l'enfant, lui donna le nom du saint inscrit au calendrier ce jour-là, le nourrit et l'éleva comme son enfant. Le curé mourut en 1804, sans laisser une succession assez opulente pour suffire à l'éducation qu'il avait commencée. Ferdinand, jeté dans Paris, y mena une existence de flibustier dont les hasards pouvaient le mener à l'échafaud ou à la fortune, au barreau, dans l'armée, au commerce, à la domesticité. Ferdinand, obligé de vivre en vrai Figaro, devint commis-voyageur, puis commis-parfumeur, à Paris, où il revint après avoir parcouru la France, étudié le monde et pris son parti d'y réussir à tout prix. En 1813, il jugea nécessaire de constater son âge et de se donner un état civil, en requérant au tribunal des Andelys un jugement qui fit passer son acte de baptême des registres du presbytère sur ceux de la mairie. Et il y obtint une rectification en demandant qu'on y insérât le nom de Du Tillet, sous lequel il s'était fait connaître, autorisé par le fait de son exposition dans la commune. Sans père ni mère, sans autre tuteur que le procureur impérial, seul dans le monde, ne devant de compte à personne, il traita la société de Turc à mort en la trouvant marâtre. Il ne connut d'autre guide que son intérêt, et tous les moyens de fortune lui semblèrent bons. Ce Normand, armé de capacités dangereuses, joignait à son envie de parvenir les âpres défauts reprochés à tort ou à raison aux natifs de sa province. Des manières patelines faisaient passer son esprit chicanier, car c'était le plus rude ferrailleur judiciaire. Mais s'il contestait audacieusement le droit d'autrui, il ne cédait rien sur le sien. Il prenait son adversaire par le temps, il le lassait par une inflexible volonté. Son principal mérite consistait en celui des scapins de la vieille comédie. Il possédait leur fertilité de ressources, leur adresse à côtoyer l'injuste, leur démangeaison de prendre ce qui était bon à garder. Enfin, il comptait appliquer à son indigence le mot que l'abbé Théré disait au nom de l'État, quitte à devenir plus tard honnête homme. Il avait une activité passionnée, une intrépidité militaire à demander à tout le monde une bonne comme une mauvaise action, en justifiant sa demande par la théorie de l'intérêt personnel. Il méprisait trop les hommes en les croyant tous corruptibles. Il était trop peu délicat sur le choix des moyens en les trouvant tous bons. Il regardait trop fixement le succès et l'argent comme l'absolution du mécanisme moral pour ne pas réussir tôt ou tard. Un pareil homme placé entre le bagne et des millions devait être vindicatif, absolu, rapide dans ses déterminations, mais dissimulé comme un Cromwell qui voulait couper la tête à la probité. Sa profondeur était cachée sous un esprit railleur et léger. Simple commis parfumeur, il ne mettait point de bornes à son ambition. Il avait embrassé la société par un coup d'œil haineux en se disant « Tu seras à moi ». Et il s'était juré à lui-même de ne se marier qu'à 40 ans. Il se tint parole. Au physique, Ferdinand était un jeune homme élancé, de taille agréable et de manière mixte qui lui permettait de prendre au besoin le diapason de toutes les sociétés. Sa figure chafouine plaisait à la première vue, mais plus tard, en le pratiquant, on y surprenait des expressions étranges qui se peignent à la surface des gens mal avec eux-mêmes, ou dont la conscience grogne à certaines heures. Son teint très ardent, sous la peau molle des Normands, avait une couleur aigre. Le regard de ses yeux, verrons, doublé d'une feuille d'argent, était fuyant, mais terrible quand il l'arrêtait droit sur sa victime. Sa voix semblait éteinte comme celle d'un homme qui a longtemps parlé. Ses lèvres minces ne manquaient pas de grâce, mais son nez pointu, son front légèrement bombé, trahissaient un défaut de race. Enfin, ses cheveux d'une coloration semblable à celle des cheveux teints en noir indiquaient un métis social qui tirait son esprit d'un grand seigneur libertin. Sa bassesse d'une paysanne séduite, ses connaissances d'une éducation inachevée et ses vices de son état d'abandon. Birotteau apprit avec le plus profond étonnement que son commis sortait très élégamment mis, rentrait fort tard, allait au bal chez des banquiers ou chez des notaires. Ses mœurs déplurent à César. Dans ses idées, les commis devaient étudier les livres de leur maison et penser exclusivement à leur parti. Le parfumeur se choqua de niaiserie. Il reprocha doucement à Du Tillet de porter du linge trop fin, d'avoir des cartes sur lesquelles son nom était gravé ainsi, F. Du Tillet, mode dans sa jurisprudence commerciale qui appartenait exclusivement aux gens du monde. Ferdinand était venu chez cet Orgon dans les intentions de Tartuffe. Il fit la cour à Madame César, tenta de la séduire et jugea son patron comme elle le jugeait elle-même, mais avec une effrayante promptitude. Quoique discret, réservé, ne disant que ce qu'il voulait dire, Du Tillet dévoila ses opinions sur les hommes et la vie de manière à épouvanter une femme timorée qui partageait les religions de son mari et regardait comme un crime de causer le plus léger tort au prochain. malgré l'adresse dont usa madame Birotteau, Du Tillet devina le mépris qu'il inspirait. Constance, à qui Ferdinand avait écrit quelques lettres d'amour, aperçut bientôt un changement dans les manières de son commis qui prit avec elle des airs avantageux pour faire croire à leur bonne intelligence. Sans instruire son mari de ses raisons secrètes, elle lui conseilla de renvoyer Ferdinand. Birotteau se trouva d'accord avec sa femme en ce point. Le renvoi du commis fut résolu. 3 jours avant de le congédier, par un samedi soir, Birotteau fit le compte mensuel de sa caisse et y trouva 3 000 francs de moins. Sa consternation fut affreuse, moins pour la perte que pour les soupçons qui planaient sur 3 commis, une cuisinière, un garçon de magasin et des ouvriers attitrés. À qui s'en prendre ? Madame Birotteau ne quittait point le comptoir. Le commis chargé de la caisse était un neveu de Monsieur Ragon, nommé Popinot. Jeune homme de 19 ans logé chez eux, la probité même. Ces chiffres, en désaccord avec la somme en caisse, accusaient le déficit et indiquaient que la soustraction avait été faite après la balance. Les deux époux résolurent de se taire et de surveiller la maison. Le lendemain dimanche, ils recevaient leurs amis. Les familles qui composaient cette espèce de coterie se festoyaient à tour de rôle. En jouant à la bouillotte, Roguin, le notaire, mit sur le tapis de vieux louis que Madame César avait reçu quelques jours auparavant d'une nouvelle mariée, Madame d'Espard. « Vous avez volé un tronc ?» dit en riant le parfumeur. Roguin dit avoir gagné cet argent chez un banquier à Du Tillet, qui confirma la réponse du notaire sans rougir. Le parfumeur, lui, devint pourpre. La soirée finie, au moment où Ferdinand alla se coucher, Birotteau l'emmena dans le magasin sous prétexte de parler affaires. « Du Tillet, lui dit le brave homme, il manque 3 000 francs à ma caisse, et je ne puis soupçonner personne. La circonstance des vieux louis semble être trop contre vous pour que je ne vous en parle point. Aussi, ne nous coucherons-nous pas sans avoir trouvé l'erreur, car après tout, ce ne peut être qu'une erreur. Vous pouvez bien avoir pris quelque chose en compte sur vos appointements. » Du Tillet dit effectivement avoir pris les louis. Le parfumeur alla ouvrir son grand livre, le compte de son commis ne se trouvait pas encore débité. « J'étais pressé, je devais faire écrire la somme par Popinot, » dit Ferdinand. « C'est juste, » dit Birotteau, bouleversé par la froide insouciance du Normand qui connaissait bien les braves gens chez lesquels il était venu dans l'intention d'y faire fortune. Le parfumeur et son commis passèrent la nuit en vérification, que le digne marchand savait inutile. En allant et venant, César glissa 3 billets de banque de 1 000 francs dans la caisse en les collant contre la bande du tiroir, puis il feignit d'être accablé de fatigue, parut dormir et ronfla. Du Tillet le réveilla triomphalement et afficha une joie excessive d'avoir éclairci l'erreur. Le lendemain, Birotteau gronda publiquement le petit Popinot, sa femme, et se mit en colère à propos de leur négligence. 15 jours après, Ferdinand Du Tillet entra chez un agent de change. « La parfumerie ne lui convenait pas, » dit-il, « il voulait étudier la banque. » En sortant de chez Birotteau, Du Tillet parla de Madame César de manière à faire croire que son patron l'avait renvoyé par jalousie. Quelques mois après, Du Tillet vint voir son ancien patron et réclama de lui sa caution pour 20 000 francs, afin de compléter les garanties qu'on lui demandait dans une affaire qui le mettait sur le chemin de la fortune. En remarquant la surprise que Birotteau manifesta de cette effronterie, Du Tillet fronça le sourcil et lui demanda s'il n'avait pas confiance en lui. Matifat et 2 négociants en affaires avec Birotteau remarquèrent l'indignation du parfumeur qui réprima sa colère en leur présence. Du Tillet était peut-être redevenu honnête homme. Sa faute pouvait avoir été causée par une maîtresse au désespoir ou par une tentative au jeu. La réprobation publique d'un honnête homme allait jeter dans une voie de crime et de malheur un homme encore jeune et peut-être sur la voie du repentir. Cet ange prit alors la plume et fit un aval sur les billets de Du Tillet en lui disant qu'il rendait de grand cœur ce léger service à un garçon qui lui avait été très utile. Le sang lui montait au visage en faisant ce mensonge officieux. Du Tillet ne soutint pas le regard de cet homme, et lui voua sans doute en ce moment cette haine sans trêve que les anges des ténèbres ont conçue contre les anges de lumière. Du Tillet tint si bien le balancier en dansant sur la corde raide des spéculations financières qu'il resta toujours élégant et riche en apparence avant de l'être en réalité. Dès qu'il eut un cabriolet, il ne le quitta plus. Il se maintint dans la sphère élevée des gens qui mêlent les plaisirs aux affaires, en faisant du foyer de l'opéra la succursale de la bourse, les Turcarets de l'époque. Grâce à Madame Roguin, qu'il connut chez Birotteau, il se répandit promptement parmi les gens de finance les plus haut placés. En ce moment, Ferdinand du Tillet était arrivé à une prospérité qui n'avait rien de mensonger. Au mieux, avec la maison Nucingen, où Roguin l'avait fait admettre, il s'était lié promptement avec les frères Keller, avec la haute banque. Personne ne savait d'où lui venaient les immenses capitaux qu'il faisait mouvoir, mais chacun attribuait son bonheur à son intelligence et à sa probité. La Restauration fit un personnage de César à qui, naturellement, le tourbillon des crises politiques ôta la mémoire de ces deux accidents domestiques. L'immutabilité de ses opinions royalistes, auxquelles il était devenu fort indifférent depuis sa blessure, mais dans lesquelles il avait persisté, par décorum, le souvenir de son dévouement en Vendémiaire, lui valurent de hautes protections précisément parce qu'il ne demanda rien. Il fut nommé chef de bataillon dans la garde nationale, quoiqu'il fût incapable de répéter le moindre mot de commandement. En 1815, Napoléon, toujours ennemi de Birotteau, le destitua. Durant les 100 jours, Birotteau devint la bête noire des libéraux de son quartier, car en 1815 seulement commencèrent les scissions politiques entre les négociants, jusqu'alors unanimes dans leurs vœux de tranquillité, dont les affaires avaient besoin. À la seconde restauration, le gouvernement royal dut remanier le corps municipal. Le préfet voulut nommer Birotteau maire. Grâce à sa femme, le parfumeur accepta seulement la place d'adjoint qui le mettait moins en évidence. Cette modestie augmenta beaucoup l'estime qu'on lui portait généralement et lui valut l'amitié du maire, Monsieur Flamet de la Billardière. Birotteau, qui l'avait vu venir à la Reine des Roses au temps où la boutique servait d'entrepôt aux conspirations royalistes, le désigna lui-même au préfet de la Seine, qui le consulta sur le choix à faire. Monsieur et Madame Birotteau ne furent jamais oubliés dans les invitations du maire. Enfin, Madame César quêta souvent à Saint-Roch, en belle et bonne compagnie. La Billardière servit chaudement Birotteau quand il fut question de distribuer au corps municipal les croix accordées, en appuyant sur sa blessure reçue à Saint-Roch, sur son attachement aux Bourbons et sur la considération dont il jouissait. Le ministère qui voulait, tout en prodiguant la croix de la Légion d'honneur afin d'abattre l'œuvre de Napoléon, se faire des créatures et rallier aux Bourbons les différents commerces, les hommes d'art et de science, comprit donc Birotteau dans la prochaine promotion. Cette faveur, en harmonie avec l'éclat que jetait Birotteau dans son arrondissement, le plaçait dans une situation où durent s'agrandir les idées d'un homme à qui jusqu'alors tout avait réussi. La nouvelle que le maire lui avait donnée de sa promotion fut le dernier argument qui décida le parfumeur à se lancer dans l'opération qu'il venait d'exposer à sa femme afin de quitter au plus vite la parfumerie et s'élever aux régions de la haute bourgeoisie de Paris. Fin de la 19e section.